Chapitre 14. La modération dans les actes d'adoration. Allah Ta'ala dit: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Sourate 20, verset 1-2. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate 2, verset 185. 142. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'elle se trouvait avec une autre femme lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entra chez elle et lui demanda « Qui est cette femme ?» Elle répondit « C'est une telle qui vient me parler de ses prières. » Il dit « Doucement. Limitez-vous à ce que vous pouvez supporter car, par Allah, Allah ne se lasse pas avant que vous ne vous lassiez. » Il alayhi salatu wassalam aimait plus que tout les actes d'adoration accomplis avec assiduité. Al-Bukhari et Muslim. 143. Anas radiallahu anhu rapporte. Trois hommes se rendirent dans les maisons des femmes du prophète alayhi salatu wassalam pour se renseigner sur les actes d'adoration de celui-ci. Quand ils en furent informés, on eût dit que cela leur paraissait bien peu. Ils dirent alors, « Que valons-nous par rapport au prophète alayhi salatu wassalam auquel Allah a pardonné ses péchés passés et futurs ?» L'un d'eux dit « Moi, je veille la nuit entière en prière. » Le second dit « Quant à moi, je jeûne continuellement. » Le dernier dit « Pour ma part, je me passe des femmes et ne me marierai pas. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vint et leur dit « Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose ? Par Allah, je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. Mais je jeûne certains jours et je mange d'autres jours. Je prie une partie de la nuit et je dors également et je prends des épouses. » Celui donc qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Al-Bukhari et Muslim. 144. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Malheur aux rigoristes !» le répétant à trois reprises. Muslim. 145. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La religion est facilitée, et elle vient à bout de quiconque cherche à la rendre difficile. Soyez modérés dans le bien ou rapprochez-vous-en du mieux possible, et réjouissez-vous alors de la récompense. Aidez-vous en chemin par les œuvres accomplies de bon matin, le soir et aux dernières heures de la nuit. » Al-Bukhari. Dans une autre version d'Al-Bukhari, « Soyez modérés dans le bien ou rapprochez-vous-en du mieux possible. Œuvrez de bon matin, le soir et aux dernières heures de la nuit. La modération, vous atteindrez alors le but. » 146. Selon Anas, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, entra un jour dans la mosquée et y trouva une corde tendue entre deux piliers. Il demanda « Pourquoi cette corde ?» On lui répondit « Elle appartient à Zainab. Elle s'y tient lorsqu'elle se fatigue dans ses prières nocturnes. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna alors « Détachez-la, que l'un de vous prie tant qu'il en est capable, et dès qu'il se sent fatigué, qu'il aille dormir. » Al-Bukhari et Muslim. 147. Selon Aisha, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit lorsque l'un d'entre vous s'assoupit dans sa salat, qu'il aille dormir jusqu'à ce qu'il n'ait plus sommeil. En effet, il se peut qu'il veuille implorer le pardon d'Allah, mais que, finalement, il appelle le malheur contre lui-même. Al-Bukhari et Muslim. 148. Jabir ibn Samura as-Sawa'i radiyallahu anhu a dit « J'accomplissais mes prières quotidiennes en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. » Elle n'était ni courte ni longue, tout comme ses prêches. Muslim. 149. Abu Juhayfa, Wahb ibn Abdillah, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait établi des liens de fraternité entre Salman et Abu Darda. Un jour, Salman rendit visite à Abu Darda et trouva son épouse portant de vulgaires vêtements. Il l'interrogea. « Que t'arrive-t-il ? » Elle répondit. « Ton frère Abu Darda ne s'intéresse pas aux choses de la vie. » Vint alors Abu Darda. Il fit préparer un repas pour Salman et l'invita à manger en lui disant « Mange, moi je jeûne. » Mais Salman répondit « Je ne mangerai que si tu manges avec moi. » Il mangea donc. La nuit, Abu Darda se leva pour prier, mais Salman lui demanda de dormir, ce qu'il fit. Puis il se réveilla et voulut à nouveau prier, mais Salman de nouveau lui demanda de dormir. Vers la fin de la nuit, Salman lui dit « Lève-toi maintenant. » Et ils prièrent ensemble. Puis Salman lui dit « Ton Seigneur a des droits sur toi, et tu as des droits sur toi-même, et de même ta famille a des droits sur toi. Accorde donc à chacun ses droits. » Abu Darda raconta l'épisode du prophète alayhi salatu wassalam qui lui dit « Salman a raison. » Al-Bukhari 150 Abu Muhammad, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporte. On informa le prophète, alayhi salatu wassalam, que je disais, « Par Allah, je jeûnerai le jour et je prierai la nuit le restant de ma vie. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, me demanda alors, « Est-ce toi qui dis cela ?» Je répondis, « C'est bien moi, ô messager d'Allah, toi pour qui je sacrifierai père et mère. » Il me dit, « C'est trop pour toi. Jeûne et romps le jeûne. » « Dors et veille la nuit. Jeûne 3 jours par mois, car à chaque bonne action, il y a 10 fois sa récompense. C'est donc comme si tu jeûnais tous les jours. » Je dis, « Je suis capable de faire mieux que cela. » Il dit, « Jeûne alors un jour et mange les 2 suivants. » Je dis, « Je peux faire mieux que cela. » Il dit, « Jeûne alors 1 jour sur 2. » C'était là le jeûne de Daoud, alayhi salam, et c'est le jeûne le plus juste. Dans une autre version, c'est le meilleur jeûne. Je dis, je peux faire mieux que cela. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rétorqua, rien n'est meilleur que cela. Abdullah ibn Amr ibn al-As ajouta, j'aurais aimé plus que tout au monde m'être contenté des 3 jours de jeûne recommandés par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Dans une autre version, on m'a informé que tu jeûnes le jour et veilles la nuit en prière, est-ce vrai? Je répondis, « Oui, ô messager d'Allah !» Il dit, « N'en fais rien, mais plutôt, jeûne et romps ton jeûne, dors et prie, car ton corps, tes yeux, ton épouse et même ton hôte ont des droits sur toi. Il te suffit de jeûner 3 jours par mois, et pour chaque bonne action, tu obtiendras 10 fois sa récompense. C'est donc comme si tu jeûnais tous les jours. » Mais j'ai choisi la difficulté, et ce fut bel et bien difficile. Je dis en effet, « Ô messager d'Allah, je me sens capable de faire mieux que cela. » Il me recommanda alors, « Jeûne comme jeûnait le prophète David, sans en faire plus. » Je demandai, « Comment jeûnait-il » Il me répondit, « Il jeûnait 1 jour sur 2. » Abdullah ibn Amr ibn al-As disait lorsqu'il devint âgé, « Si seulement j'avais accepté la recommandation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. » Dans une autre version, on m'a informé que tu jeûnes le jour et que tu récites tout le Coran en une seule nuit. Est-ce vrai? Je répondis, oui, ô messager d'Allah, et je ne cherche à travers cela que le bien. Il dit, alors jeûne comme jeûnait le prophète David, car il était le plus fervent des adorateurs d'Allah, et lit le Coran 1 fois dans le mois. Je dis, ô prophète d'Allah, je peux faire mieux que cela. Il dit, lis-le en 20 jours. Je dis, ô prophète d'Allah, je peux faire mieux que cela. Il dit, « Lis-le en 10 jours. » Je dis, « Ô prophète d'Allah, je peux faire mieux que cela. » Il dit, « Lis-le en 7 jours et pas 1 jour de moins. » Mais j'ai choisi la difficulté et ce fut bel et bien difficile. Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'avait pourtant dit, « Il se peut que tu vives longtemps. » Et ce fut le cas. Lorsque je vieillis, je regrettais de ne pas avoir accepté la recommandation du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Dans une autre version, « Et ton enfant a des droits sur toi. » Dans une autre version, « Celui qui jeûne sans s'interrompre, c'est comme s'il ne jeûnait pas. » Il dit cela à 3 reprises. Dans une autre version, « Le meilleur des jeûnes auprès d'Allah Ta'ala est celui de David, et la meilleure des salats auprès d'Allah Ta'ala est celle de David. » Il dormait la première moitié de la nuit, en veillait un tiers en prière, et se rendormait le dernier 6e. Il jeûnait un jour sur deux et il ne s'enfuyait jamais du champ de bataille. Dans une autre version, il a dit « Mon père me maria à une femme issue d'une famille noble, puis il prit l'habitude de s'enquérir de moi auprès de ma femme qui lui répondait « Quel homme merveilleux! Il n'a jamais partagé le même lit que moi et ne s'est jamais approché de moi depuis que nous vivons ensemble. » Lorsqu'il constata que la situation perdurait, mon père en parla au prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui demanda de me faire venir. Je me rendis donc auprès de lui et il me demanda « Comment jeûnes-tu ? » Je répondis « Tous les jours. » Il me demanda « En combien de temps achèves-tu la récitation du Coran ?» Je dis « En une nuit. » Et il cita le reste du hadith. Abdullah récitait un septième du Coran la journée devant un membre de sa famille pour que la récitation soit plus aisée durant la nuit. Et lorsqu'il souhaitait reprendre des forces, il rompait son jeûne quelques jours, mais en comptait le nombre pour les compenser par la suite. En effet, l'idée d'abandonner ce qu'il avait accompli jusqu'à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, lui répugnait. Toutes ces versions sont authentiques, et la plupart d'entre elles sont citées dans les deux Sahih, al-Bukhari et Muslim, et une petite partie se trouve dans l'un de ces deux recueils seulement. 151. Abu Rib'i, Hanzala ibn Rabi' al-Husaydi, radiyallahu anhu, l'un des scribes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Abu Bakr me rencontra un jour et me demanda « Comment vas-tu, ô Hanzala ?»« Hanzala est devenu hypocrite, » répondis-je. « Gloire à Allah, que dis-tu là ?» s'exclama Abu Bakr. Lorsque nous sommes en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dis-je, il nous rappelle le paradis et l'enfer, et c'est comme si nous les avions devant nous. Mais dès que nous le quittons, nos femmes, nos enfants et nos affaires nous distraient et nous font oublier tout cela. Par Allah, nous ressentons la même chose, avoua Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr et moi nous rendîmes alors chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui dis, ô messager d'Allah, Hanzala est devenu hypocrite. Pourquoi cela ? Demanda-t-il. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dis-je, lorsque nous sommes en ta compagnie, tu nous rappelles le paradis et l'enfer, et c'est comme s'ils étaient devant nous. Mais dès que nous te quittons, nos femmes, nos enfants et nos affaires nous distraient et nous font oublier tout cela. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, répondit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous demeuriez dans le même état après être sorti de chez moi ou lorsque vous évoquez Allah, que vous faites le dhikr, les anges viendraient vous serrer la main dans vos lits et sur votre chemin. Mais, ô Hanzala, une heure pour l'adoration d'Allah et une heure pour les affaires de ce monde. Répétant cette dernière phrase à trois reprises. Muslim. 152. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, rapporte. Alors qu'il était en train de prêcher les gens, le prophète, alayhi salatu wassalam, aperçut un homme debout. Lorsqu'il, alayhi salatu wassalam, se renseigna sur lui, on lui répondit « C'est Abu Israël, qui a fait le vœu de se tenir debout sous le soleil sans s'asseoir ou se mettre à l'ombre en s'imposant le silence et le jeûne. » Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, leur dit « Ordonnez-lui de parler, de se protéger du soleil et de s'asseoir. » Mais laissez-le terminer son jeûne. Al-Bukhari.